Camarades, miodas, miodas, muidos, vem cá dançar na música São Manuela, com ritmo africano, com Sa Majestade primeiro, acompanhado orquestros. São Solisso do Trio Majes d'África. Viva, viva, mora, mora. Obrigado, obrigado. Tchau. Nudila miele, mama, mama, nudila miele, mama, mwana toko wadidi mfwemfula, mwana ndumba watekele mfwemfula, ukinchasa. Elala, elala, elala. Muzola wake biwawe, eh mama. Muzola wake biwawe, eh mama. Kwela ngudi kwela mwanade. Kwela ngudi kwela mwanade, eh mama. Elala, elala. Elala, elala. Bana dumba jeti sansala. Chérie, je t'aime, je t'adore, mon mari. Chérie, je pleure, moi je t'aime. Des cafés, pourquoi tu fais moi comme ça? Chérie, sans pis, pourquoi tu fais moi comme ça? Chérie, je t'aime trop. Et là, là, et là, là. Mwana dumba dieti sansala e lala. Rima tioko tio. Ziona. Ah, kia die. Mwana dumba tekele mpwemfula. Mwana nduba watekele mfwemfula. Mwana nduba watekele mfwemfula. Ukinchasa. Elala, elala. Elala, elala. Mwana nduba dieti sansala elala. Mwana nduba dieti sansala elala. Yeto mumbanza kapitale mama. Yeto mumbanza kapitale, eh mama. Mwana toko wadidi mfwemfula. Mwata toko wadidi mfwemfula, eh mama. Elala, elala. Elala, elala. Mwana dumba dieti sansala, elala. Mwana dumba dieti sansala, elala. Mukianga kese ye kese, eh mama. Mukianga kese ye kese, eh mama. Momo mule manga minda, nyakura. Momo mukalanga mama, mama yala. Elala, elala. Elala, elala. Mukianga kese ye kese, eh mama. Mukianga kese ye kese, eh mama. Momo mule manga minda, nyakura. Momo mukalanga mama, mama yala. Elala, elala. Elala, elala. Mwana dumba dieti sansala, elala.